L'hérésie est une erreur coupable de l'intelligence par laquelle on nie avec obstination quelque vérité de la foi. Quelles autres choses défend le premier commandement ? Le premier commandement nous défend encore d'avoir commerce avec le démon et de nous agréger aux sectes antichrétiennes. Celui qui recourrait au démon l'invoquerait, commettra-t-il un péché grave ? Celui qui recourrait au démon l'invoquerait, commettrait un péché énorme, parce que le démon est le plus pervers des ennemis de Dieu et de l'homme. Est-il permis d'interroger les tables, qu'on appelle parlantes ou écrivantes, ou de consulter de quelque façon que ce soit les âmes des trépassés par le spiritisme ? Toutes les pratiques du spiritisme sont défendues parce qu'elles sont superstitieuses et que souvent elles ne sont pas exemptes d'interventions diaboliques. Aussi ont-elles été justement interdites par l'Église. Le premier commandement défend peut-être d'honorer et d'invoquer les anges et les saints. Non, il n'est pas défendu d'honorer et d'invoquer les anges et les saints. Nous devons même le faire parce que c'est une bonne chose, utile et hautement recommandée par l'Église, car ils sont les amis de Dieu et nos intercesseurs auprès de lui. Puisque Jésus-Christ est notre unique médiateur auprès de Dieu, pourquoi recourons-nous aussi à l'intercession de la très sainte Vierge et des saints ? Jésus-Christ est notre médiateur auprès de Dieu parce que, étant vrai Dieu et vrai homme, lui seul en vertu de ses propres mérites nous a réconciliés avec Dieu et nous obtient de lui toutes les grâces. Mais la sainte Vierge et les saints, en vertu des mérites de Jésus-Christ et par la charité qui les unit à Dieu et à nous, nous aident par leur intercession à obtenir les grâces que nous demandons. Et c'est là un des grands biens de la communion des saints. Pouvons-nous aussi honorer les saintes images de Jésus-Christ et des saints ? Oui, parce que l'honneur que l'on rend aux saintes images de Jésus-Christ et des saints est rapporté à leur personne même. Et les reliques des saints, peut-on les honorer ? Oui, on doit aussi honorer les reliques des saints, parce que leurs corps furent les membres vivants de Jésus-Christ et les temples du Saint-Esprit, et qu'ils doivent ressusciter glorieuse à une vie éternelle. Quelle différence y a-t-il entre le culte que nous rendons à Dieu et le culte que nous rendons aux saints ? Entre le culte que nous rendons à Dieu et le culte que nous rendons aux saints, il y a cette différence que Dieu, nous l'adorons pour son excellence infinie. Les saints, au contraire, nous ne les adorons pas, mais nous les honorons et nous les vénérons comme les amis de Dieu et nos intercesseurs auprès de lui. Le culte que nous rendons à Dieu s'appelle culte de l'atrie, c'est-à-dire l'adoration. Et le culte que nous rendons aux saints s'appelle culte de dulie, c'est-à-dire de vénération pour les serviteurs de Dieu. Enfin, le culte particulier que nous rendons à la très sainte Vierge s'appelle culte d'hyperdulie, c'est-à-dire de vénération toute spéciale comme pour la Mère de Dieu. Section 2. Le second commandement. Que nous défend le second commandement ? Tu n'emploieras pas en vain le nom de Dieu. Le second commandement, tu n'emploieras pas en vain le nom de Dieu, nous défend d'employer le nom de Dieu sans respect, de blasphémer contre Dieu, contre la très sainte Vierge et contre les saints, de faire des jugements faux et sans nécessité ou défendus à quelque titre que ce soit. Qu'est-ce qu'employer le nom de Dieu sans respect ? Employer le nom de Dieu sans respect, c'est prononcer ce saint nom et tout ce qui se rapporte d'une manière spéciale à Dieu, comme le nom de Jésus, de Marie et des saints, par colère, par plaisanterie ou de toute autre manière peu respectueuse. Qu'est-ce que le blasphème ? Le blasphème est un horrible péché qui consiste en paroles ou actes de mépris ou de malédiction contre Dieu, la Sainte Vierge, les saints, ou contre les choses saintes. Y a-t-il une différence entre le blasphème et l'imprécation ? Il y a une différence parce que dans le blasphème, on lance la malédiction ou on désire le mal à Dieu, à la Sainte Vierge, aux saints, tandis que dans l'imprécation, c'est à soi-même ou au prochain. Qu'est-ce que jurer ? Jurer, c'est prendre Dieu à témoin de la vérité de ce qu'on dit ou de ce qu'on promet. Est-il toujours défendu de jurer ? Il n'est pas toujours défendu de jurer. C'est permis et même un honneur rendu à Dieu quand il y a nécessité et que le jugement est fait avec vérité, discernement et justice. Quand est-ce qu'on ne jure pas avec vérité ? Quand on affirme avec serment ce que l'on sait ou que l'on croit être faux, et quand on promet avec serment ce que l'on n'a pas l'intention d'accomplir. Quand est-ce qu'on ne jure pas avec discernement ? Quand on jure sans prudence et sans mûre réflexion ou pour des choses de peu d'importance. Quand est-ce qu'on ne jure pas avec justice ? Quand on jure de faire une chose qui n'est pas juste ou permise, comme de se venger, de voler et autres choses semblables. Sommes-nous obligés de tenir le serment de faire des choses injustes ou défendues ? Non seulement nous n'y sommes pas obligés, mais nous pécherions en les faisant parce qu'elles sont défendues par la loi de Dieu ou de l'Église. Quel péché commet celui qui jure à faux ? Celui qui jure à faux commet un péché mortel, parce qu'il déshonore gravement Dieu, vérité infinie, en le prenant à témoin d'une chose fausse. Que nous ordonne le second commandement ? Le second commandement nous ordonne d'honorer le saint nom de Dieu et d'accomplir non seulement les serments mais encore les vœux. Qu'est-ce qu'un vœu ? Un vœu est la promesse faite à Dieu d'une chose bonne, possible pour nous et meilleure que son contraire, à laquelle nous nous obligeons, comme si elle nous était commandée. Si l'accomplissement d'un vœu devenait en tout ou en partie très difficile, que faudrait-il faire ? On peut demander la commutation ou la dispense du vœu à son évêque ou au souverain pontife, selon l'importance du vœu. Est-ce un péché de manquer au vœu ? Manquer au vœu est un péché. Aussi, nous ne devons pas faire de vœux sans une mûre réflexion, et ordinairement sans le conseil du confesseur ou d'une autre personne prudente, afin de ne pas nous exposer au péril de péché. Peut-on faire des vœux à la Sainte Vierge et aux saints ? On fait les vœux seulement à Dieu. Cependant, on peut promettre à Dieu de faire quelque chose en l'honneur de la Sainte Vierge ou des saints. Section 3, le troisième commandement. Que nous ordonne le troisième commandement ? Rappelle-toi de sanctifier les fêtes. Le troisième commandement, « Rappelle-toi de sanctifier les fêtes », nous ordonne d'honorer Dieu par les pratiques du culte, les jours de fête. Quels sont les jours de fête ? Dans l'ancienne loi, c'était le jour du sabbat et les autres jours particulièrement solennels pour le peuple hébreu. Dans la loi nouvelle, ce sont les dimanches et autres solennités établies par l'Église. Pourquoi dans la loi nouvelle sanctifie-t-on le dimanche au lieu du samedi ? Le dimanche, qui signifie « jour du Seigneur », a été substitué au samedi, parce que c'est à pareil jour que Jésus-Christ notre Seigneur est ressuscité. Quelle est la pratique du culte qui nous est commandée au jour de fête ? Il nous est commandé d'assister dévotement au saint sacrifice de la messe. Par quelles autres pratiques un bon chrétien sanctifie-t-il les fêtes ? Un bon chrétien sanctifie les fêtes en assistant à la doctrine chrétienne, aux prédications et aux offices, en recevant souvent avec les dispositions convenables les sacrements de pénitence et d'eucharistie, en se livrant à la prière et aux œuvres de charité chrétienne envers le prochain. Que nous défend le troisième commandement ? Le troisième commandement nous défend les œuvres serviles et toute autre occupation qui nous détourne du culte divin. Quelles sont les œuvres serviles défendues les jours de fête ? Les œuvres serviles défendues les jours de fête sont les travaux dits manuels, c'est-à-dire les travaux manuels auxquels le corps a plus de part que l'esprit, comme ceux que font ordinairement les serviteurs, les ouvriers, les artisans. Quel péché commet-on en travaillant les jours de fête ? En travaillant les jours de fête, on commet un péché mortel. Cependant, si le travail dure peu de temps, il n'y a pas de faute grave. Y a-t-il aucune œuvre servile qui soit permise les jours de fête ? Les jours de fête sont permis les travaux nécessaires à la vie ou au service de Dieu, et ceux qu'on fait pour une cause grave en demandant s'il se peut la permission à son curé. Pourquoi les œuvres serviles sont-elles défendues les jours de fête ? Les œuvres serviles sont défendues les jours de fête pour que nous puissions mieux nous occuper au culte divin et au salut de notre âme, et pour que nous nous reposions de nos fatigues. Aussi, il n'est pas défendu de se livrer à d'honnêtes amusements. Quelles autres choses devons-nous éviter sur tous les jours de fête ? Les jours de fête, nous devons éviter par-dessus tout le péché et tout ce qui peut nous porter au péché, comme les amusements et les réunions dangereuses.